On pourrait opposer à leur raisonnement que la principale cause de la destruction de plusieurs gouvernements a été d'avoir constitué dans l'État deux intérêts opposés. On a considéré comme le chef-d'œuvre de la science des gouvernements de mesurer assez les deux actions contraires pour que la puissance aristocratique et démocratique se balançât comme deux lutteurs qu'une égale force rend immobiles. En effet, le moment le plus prospère dans tous ces gouvernements est celui où cette balance, subsistant d'une manière parfaite, donne le repos qui naît de deux efforts contenus l'un par l'autre. Mais cet état ne peut être durable. À l'instant où, pour suivre la comparaison, l'un des deux lutteurs perd un moment l'avantage, il terrasse l'autre qui se venge en le renversant à son tour. Ainsi l'on a vu la République romaine déchirée. Dès qu'une guerre, un homme ou le temps seul a rompu l'équilibre. On dira qu'en Angleterre, il y a trois intérêts, et que cette combinaison plus savante répond de la tranquillité publique. Il n'y a jamais trois intérêts dans un tel gouvernement. Les privilégiés héréditaires et ceux qui ne le sont pas peuvent être revêtus de noms différents. Mais la division se fait toujours sur ces deux bases, l'on se sépare et l'on se rallie. D'après ces deux grands motifs d'opposition, ne serait-il pas possible que le genre humain, témoin et victime de ce principe de haine, de ce germe de mort qui a détruit tant d'États, pût chercher et trouver la fin du combat de l'aristocratie et de la démocratie, et qu'au lieu de s'attacher à la combinaison d'une balance qui, par son avantage même, par la part qu'elle accorde à la liberté, finit toujours par être renversée? On examina si l'idée moderne du système représentatif n'établit pas dans le gouvernement un seul intérêt, un seul principe de vie, en rejetant toutefois ce qui peut conduire à la démocratie. Supposez d'abord un très petit nombre d'hommes, extraits d'une nation immense, une élection combinée, et par deux degrés, et par l'obligation d'avoir passé successivement dans les places qui font connaître les hommes, et exige et de l'indépendance de fortune et des droits à l'estime publique pour s'y maintenir. Cette élection ainsi modifiée n'établirait-elle pas l'aristocratie des meilleurs, la prééminence des talents, des vertus et des propriétés? Ce genre de distinction, qui sans faire deux classes de droit, c'est-à-dire deux ennemis de fait, donne aux plus éclairés la conduite du reste des hommes. Et faisant choisir les êtres distingués par la foule de leurs inférieurs, assure au talent sa place et la médiocrité sa consolation. Donne une part à l'amour-propre du vulgaire dans les succès des gouvernants qu'ils ont choisis. Ouvre la carrière à tous, mais n'y amène que le petit nombre. L'avantage de l'aristocratie de naissance, c'est la réunion des circonstances qui rendent plus probables dans une telle classe les sentiments généreux. L'aristocratie de l'élection doit, alors que sa marche est sagement graduée, appeler avec certitude les hommes distingués par la nature aux places éminentes de la société. Ne serait-il pas possible que la division des pouvoirs donnât tous les avantages et aucun des inconvénients de l'opposition des intérêts que deux chambres, indirectes voire exécutives, quoique temporaires, fussent parfaitement distinctes dans leurs fonctions, que chacun prît un parti différent par sa place, mais non par esprit de corps, ce qui est d'une toute autre nature. Ces hommes séparés pendant le cours de leur magistrature, par les exercices divers du pouvoir public, se réuniraient ensuite dans la nation, parce qu'aucun intérêt contraire ne les séparerait d'une manière invincible. Ne serait-il pas possible qu'un grand pays, loin d'être un obstacle à un tel état de choses, fût particulièrement propre à sa stabilité? Parce qu'une conspiration, un homme, peuvent s'emparer tout à coup de la citadelle d'un petit État, et par cela seul changer la forme de son gouvernement, tandis qu'il n'y a qu'une opinion qui remue à la fois 30 millions d'hommes, que tout ce qui n'est produit que par des individus ou par une faction qui n'est point ralliée au mouvement public, est étouffé par la masse qui se porte sur chaque point. Il ne peut pas y avoir d'usurpateur dans un pays où il faudrait que le même homme ralliât l'opinion à lui, depuis le Rhin jusqu'aux Pyrénées. l'idée d'une constitution, d'un ordre légal consenti par tous, peut seule réunir et frapper à distance. Le gouvernement, dans un grand pays, a pour appui la masse énorme d'hommes paisibles. Cette masse est beaucoup plus considérable, à proportion même, dans une grande nation que dans un petit pays. Les gouvernants, dans un petit pays, sont beaucoup plus multipliés par rapport aux gouvernés, et la part de chacun à une action quelconque est plus grande et plus facile. Enfin, si l'on répétait d'une manière vague qu'on n'a jamais vu une constitution fondée sur de telles bases, qu'il vaut mieux adopter celles qui ont existé pendant des siècles, on pourrait demander de s'arrêter à une réflexion qui mérite, je crois, une attention particulière. Dans toutes les sciences humaines, on débute par les idées complexes. En se perfectionnant, l'on arrive aux idées simples. L'ignorance absolue dans ses combinaisons naturelles est moins éloignée du dernier terme des connaissances que les demi-lumières. Une comparaison fera mieux sentir ma pensée. À la Renaissance des lettres, les premiers écrits qu'on a composés ont été pleins de recherches et d'affectations. Les grands écrivains, deux siècles après, ont admis et fait admettre le genre simple et le discours du sauvage qui s'écriait « Dirons-nous aux ossements de nos pères, levez-vous et marchez à notre suite ?» Ce discours avait plus de rapport avec la langue de Voltaire que les vers empoulés de Brébeuf ou de Chapelain. En mécanique, on avait d'abord trouvé la machine de Marly, qui avec des frais énormes élevait l'eau sur le sommet d'une montagne. Après cette machine, on a découvert des pompes qui produisent le même effet avec infiniment moins de moyens. Sans vouloir faire d'une comparaison une preuve, peut-être que lorsqu'il y a 100 ans en Angleterre, l'idée de la liberté reparut sur la terre. L'organisation combinée du gouvernement anglais était le plus haut point de perfection. On en put atteindre alors, mais aujourd'hui des bases plus simples peuvent donner en France, après la Révolution, des résultats pareils à quelques égards et supérieurs à d'autres, indépendamment de tous les crimes particuliers qui ont été commis. L'ordre social a été menacé de sa destruction pendant cette révolution par le système politique même qu'on avait adopté. Les mœurs barbares sont plus près des institutions simples, mal entendu, que des institutions compliquées. Mais il n'en est pas moins vrai que l'ordre social, comme toutes les sciences, se perfectionne à mesure qu'on diminue les moyens, sans affaiblir le résultat. Ces considérations et beaucoup d'autres conduiraient à un développement complet de la nature et de l'utilité des pouvoirs héréditaires, faisant partie de la constitution et de la nature et de l'utilité des constitutions composées uniquement de magistratures temporaires. Car il faut bien se le répéter, l'on est maintenant opposé sur ce point seul. Le reste des opinions despotiques et démagogiques sont des songes exaltés ou criminels, dont tout ce qui pense s'est réveillé. On ferait quelque bien, je crois, en traitant d'une manière purement abstraite des questions dont les passions contraires se sont tour à tour emparées. En examinant la vérité, séparément des hommes et des temps, on arrive à une démonstration qui se reporte ensuite avec moins de peine sur les circonstances présentes. À la fin d'un semblable ouvrage, cependant, sous quelques points de vue général que ces grandes questions fussent présentées, il serait impossible de ne pas finir par les particulariser dans leur rapport avec la France et le reste de l'Europe. Tout invite la France à rester république. Tout commande à l'Europe de ne pas suivre son exemple. L'un des plus spirituels écrits de notre temps, celui de Benjamin Constant, a parfaitement traité la question qui concerne la position actuelle de la France. Deux motifs de sentiment me frappent surtout. Voudrait-on souffrir une nouvelle révolution pour renverser celle qui établit la République? Et le courage de tant d'armées et le sang de tant de héros serait-il versé au nom d'une chimère dont il ne resterait que le souvenir des crimes qu'elle a coûtés? La France doit persister dans cette grande expérience, dont le désastre est passé, dont l'espoir est à venir. Mais peut-on assez inspirer à l'Europe l'horreur des révolutions? Ceux qui détestent les principes de la Constitution de France, qui se montrent les ennemis de toute idée libérale et font un crime d'aimer jusqu'à la pensée d'une république, comme si les scélérats qui ensouillaient la France pouvaient déshonorer le culte d'Hécaton, des Brutus et des Sidney. Ces hommes intolérants et fanatiques ne persuadent point par leurs véhémentes déclamations les étrangers philosophes, mais que l'Europe écoute les amis de la liberté, les amis de la République française qui se sont hâtés de l'adopter. Dès qu'on l'a pu sans crime, dès qu'il n'en coûtait pas du sang pour la désirer. Aucun gouvernement monarchique ne renferme assez d'abus, maintenant pour qu'un jour de révolution n'arrache plus de larmes que tous les maux qu'on voudrait réparer par elle. Désirer une révolution, c'est dévouer à la mort l'innocent et le coupable. C'est peut-être condamner l'objet qui nous est le plus cher. Et jamais on n'obtient, soi-même, le but qu'à ce prix affreux on s'était proposé. Nul homme, dans ce mouvement terrible, n'achève ce qu'il a commencé. Nul homme ne peut se flatter de diriger une impulsion dont la nature des choses s'empare. Et cet Anglais, qui voulut descendre dans sa barque la chute du Rhin à Chafouze, était moins insensé que l'ambitieux qui croirait pouvoir se conduire avec succès à travers une révolution tout entière. Laissez-nous en France combattre, vaincre, souffrir, mourir dans nos affections, dans nos penchants les plus chers, renaître ensuite, peut-être pour l'étonnement et l'admiration du monde, mais laissez un siècle passer sur nos destinées. Vous saurez alors si nous n'avons acquis la véritable science du bonheur des hommes, si le vieillard avait raison, ou si le jeune homme a mieux disposé de son domaine l'avenir. Hélas, n'êtes-vous pas heureux qu'une nation tout entière se soit placée à l'avant-garde de l'espèce humaine pour affronter tous les préjugés, pour essayer tous les principes? Attendez-vous, génération contemporaine, éloignez encore de vous les haines, les proscriptions et la mort. Nul devoir ne pourrait exiger de tels sacrifices, et tous les devoirs, au contraire, font une loi de les éviter. Qu'on me pardonne de m'être laissé entraîner au-delà de mon sujet, mais qui peut vivre, qui peut écrire dans ce temps, et ne pas sentir et penser sur la Révolution de France? J'ai tracé l'esquisse imparfaite de l'ouvrage que je projette. La première partie que j'imprime à présent est fondée sur l'étude de son propre cœur et les observations faites sur le caractère des hommes de tous les temps. Dans l'étude des constitutions, il faut se proposer pour but le bonheur et pour moyen la liberté. Dans la science morale de l'homme, c'est l'indépendance de l'âme qui doit être l'objet principal. Ce qu'on peut avoir de bonheur en est la suite. L'homme qui se vouerait à la poursuite de la félicité parfaite serait le plus infortuné des êtres. La nation qui n'aurait en vue que d'obtenir le dernier terme abstrait de la liberté métaphysique serait la nation la plus misérable. Les législateurs doivent donc compter et diriger les circonstances, et les individus chercher à se rendre indépendants. Les gouvernements doivent tendre au bonheur réel de tous, et les moralistes doivent apprendre aux individus à se passer de bonheur. Il y a du bien pour la masse dans l'ordre même des choses, et cependant, il n'est pas de félicité pour les individus. Tout concourt à la conservation de l'espèce, tout s'oppose au désir de chacun, et les gouvernements, à quelques égards, représentant l'ensemble de la nature, peuvent atteindre à la perfection dont l'ordre général offre l'exemple. Mais les moralistes, parlant aux hommes individuellement, à tous ces êtres emportés dans le mouvement de l'univers, ne peuvent leur promettre avec certitude aucune jouissance personnelle, que dans ce qui dépend toujours d'eux-mêmes. Il y a de l'avantage à se proposer pour but de son travail sur soi la plus parfaite indépendance philosophique. Les essais même inutiles laissent encore après eux des traces salutaires. Agissant à la fois sur son être tout entier, on ne craint pas, comme dans les expériences sur les nations, de disjoindre, de séparer, d'opposer l'un à l'autre toutes les parties diverses du corps politique. L'on n'a point au-devant de soi de transactions à faire avec des obstacles étrangers. L'on mesure sa force, on triomphe, ou l'on se soumet. Tout est simple, tout est possible même, car s'il est absurde de considérer une nation comme un peuple de philosophes, il est vrai que chaque homme en particulier peut se flatter de le devenir. je m'attends aux diverses objections de sentiments et de raisonnements qu'on pourra faire contre le système développé dans cette première partie. Rien n'est plus contraire, il est vrai, au premier mouvement de la jeunesse que l'idée de se rendre indépendant des affections des autres. On veut d'abord consacrer sa vie à être aimé de ses amis, à captiver la faveur publique. Il semble qu'on ne s'est jamais assez mis à la disposition de ceux qu'on aime, qu'on ne leur a jamais assez prouvé qu'on ne pouvait exister sans eux, que l'occupation, les services de tous les jours ne satisfont pas assez au gré de la chaleur de l'âme, le besoin qu'on a de se dévouer, de se livrer en entier aux autres. On se fait un avenir tout composé des liens qu'on a formés. On se confie d'autant plus à leur durée que l'on est soi-même plus incapable d'ingratitude. On se cède des droits à la reconnaissance. On croit à l'amitié ainsi fondée plus qu'à aucun autre lien de la terre. Tout est moyen, elle seule est le but. L'on veut aussi de l'estime publique, mais il semble que vos amis vous en sont les garants. On n'a rien fait que pour eux, ils le savent, ils le diront. Comment la vérité et la vérité du sentiment ne persuaderaient-elles pas? Comment ne finiraient-elles pas par être reconnues? Les preuves sans nombre qui s'échappent d'elles, de toutes parts, doivent enfin l'emporter sur la fabrication de la calomnie. Vos paroles, votre voix, vos accents, l'air qui vous environne, tout vous semble empreint de ce que vous êtes réellement. Et l'on ne croit pas à la possibilité d'être longtemps mal jugé. C'est avec ce sentiment de confiance qu'on vogue à pleine voile dans la vie. Tout ce qu'on a su, tout ce qu'on vous a dit de la mauvaise nature d'un grand nombre d'hommes s'est classé dans votre tête comme l'histoire, comme tout ce qu'on apprend en morale sans l'avoir éprouvé. On ne s'avise d'appliquer aucune de ces idées générales à sa situation particulière. Tout ce qui vous arrivera, tout ce qui vous entoure doit être une exception. Ce qu'on a d'esprit n'a point d'influence sur la conduite. Là où il y a un cœur, il est seul écouté. Ce qu'on n'a pas senti soi-même est connu de la pensée, sans jamais diriger les actions. Mais à 25 ans, à cette époque précise, où la vie cesse de croître, il se fait un cruel changement dans votre existence. On commence à juger votre situation. Tout n'est plus à venir dans votre destinée. À beaucoup d'égards, votre sort est fixé, et les hommes réfléchissent alors s'il leur convient d'y lier le leur, s'ils y voient moins d'avantages qu'ils n'avaient cru, si de quelque manière leur attente est trompée. Au moment où ils sont résolus à s'éloigner de vous, ils veulent se motiver à eux-mêmes leur tort envers vous. Ils vous cherchent 1000 défauts pour s'absoudre du plus grand de tous. Les amis qui se rendent coupables d'ingratitude vous accablent pour se justifier. Ils nient le dévouement, ils supposent l'exigence. Ils essayent enfin de moyens séparés, de moyens contradictoires pour envelopper votre conduite et la leur d'une sorte d'incertitude que chacun explique à son gré. Quelle multitude de peines assiège alors le cœur qui voulait vivre dans les autres et se voit trompé dans cette illusion. La perte des affections les plus chères n'empêche pas de sentir jusqu'au plus faible tort de l'ami qu'on aimait le moins. Votre système de vie est attaqué. Chaque coup ébranle l'ensemble. Celui-là aussi s'éloigne de moi. Est une pensée douloureuse qui donne au dernier lien qui se brise un prix qu'il n'avait pas auparavant. Le public aussi, dont on avait éprouvé la faveur, perd toute son indulgence. Il aime les succès qu'il prévoit. Il devient l'adversaire de ceux dont il est lui-même la cause. Ce qu'il a dit, il l'attaque. Ce qu'il encourageait, il veut le détruire. Cette injustice de l'opinion fait souffrir aussi de 1000 manières en un jour. Tel individu qui vous déchire n'est pas digne que vous regrettiez son suffrage. Mais vous souffrez de tous les détails d'une grande peine, dont l'histoire se déroule à vos yeux. Et déjà certain de ne point éviter son pénible terme, vous éprouvez cependant la douleur de chaque pas. Enfin, le cœur se flétrit, la vie se décolore. On a des torts à son tour qui dégoûtent de soi comme des autres, qui découragent du système de perfection dont on s'était d'abord enorgueilli. On ne sait plus à quelle idée se reprendre, quelle route suivre désormais? À force de s'être confié sans réserve, on serait prêt à soupçonner injustement. Est-ce la sensibilité? Est-ce la vertu qui n'est qu'un fantôme? Et cette plainte sublime échappée à Brutus dans les champs de Philippe doit-elle égarer la vie ou commander de se donner la mort? C'est à cette époque funeste où la terre semble manquer sous nos pas, ou plus incertain sur l'avenir que dans les nuages de l'enfance, nous doutons de tout ce que nous croyons savoir, et recommençons l'existence avec l'espoir de moins. C'est à cette époque où le cercle des jouissances est parcouru, et le tiers de la vie à peine atteint, que ce livre peut être utile. Il ne faut pas le lire avant, car je ne l'ai moi-même ni commencé ni conçu qu'à cet âge. On m'objectera peut-être aussi qu'en voulant dompter les passions, je cherche à étouffer le principe des plus belles actions des hommes, des découvertes sublimes, des sentiments généreux. Quoique je ne sois pas entièrement de cet avis, je conviens qu'il y a quelque chose de grand dans la passion, qu'elle ajoute pendant qu'elle dure à l'ascendant de l'homme, qu'il accomplit alors presque tout ce qu'il projette, tant la volonté ferme et suivie est une force active dans l'ordre moral. L'homme alors, emporté par quelque chose de plus puissant que lui, use sa vie, mais s'en sert avec plus d'énergie. Si l'âme doit être considérée seulement comme une impulsion, cette impulsion est plus vive quand la passion l'excite. S'il faut aux hommes sans passion l'intérêt d'un grand spectacle, s'ils veulent que les gladiateurs s'entre-détruisent à leurs yeux, tandis qu'ils ne seront que les témoins de ces affreux combats, sans doute il faut enflammer de toutes les manières ces êtres infortunés, dont les sentiments impétueux animent ou renversent le théâtre du monde. Mais quel bien en résultera-t-il pour eux? Quel bonheur général peut-on obtenir par ces encouragements donnés aux passions de l'âme? Tout ce qu'il faut de mouvement à la vie sociale, tout élan nécessaire à la vertu, existerait sans ce mobile destructeur. Mais, dira-t-on, c'est à diriger les passions et non à les vaincre qu'il faut consacrer ses efforts. Je n'entends pas comment on dirige ce qui n'existe qu'en dominant. Il n'y a que deux états pour l'homme, où il est certain d'être le maître au-dedans de lui, et alors il n'a point de passion, où il sent qu'il règne en lui-même une puissance plus forte que lui, et alors il dépend entièrement d'elle. Tous ces traités avec la passion sont purement imaginaires. Elle est, comme les vrais tyrans, sur le trône ou dans les fers. Je n'ai point imaginé cependant de consacrer cet ouvrage à la destruction de toutes les passions. Mais j'ai tâché d'offrir un système de vie qui ne fut pas sans quelque douceur à l'époque où s'évanouissent les espérances de bonheur positif dans cette vie. Ce système ne convient qu'au caractère naturellement passionné et qui ont combattu pour reprendre l'Empire. Plusieurs de ces jouissances n'appartiennent qu'aux âmes jadis ardentes, et la nécessité de ces sacrifices ne peuvent être sentis que par ceux qui ont été malheureux. En effet, si l'on n'était pas né passionné, qu'aurait-on à craindre? De quel effort aurait-on besoin? Que se passerait-il en soi pour occuper le moraliste et l'inquiéter sur la destinée de l'homme? Pourrait-on aussi me reprocher de n'avoir pas traité séparément les jouissances attachées à l'accomplissement de ses devoirs et les peines que font éprouver le remords qui suit le tort ou le crime de les avoir bravés? Ces deux idées premières dans l'existence s'appliquent également à toutes les situations, à tous les caractères, et ce que j'ai voulu montrer seulement, c'est le rapport des passions de l'homme avec les impressions agréables ou douloureuses qu'il ressent au fond de son cœur. En suivant ce plan, je crois de même avoir prouvé qu'il n'est point de bonheur sans la vertu. Revenir à ce résultat, par toutes les routes, est une nouvelle preuve de sa vérité. Dans l'analyse des diverses affections morales de l'homme, il se rencontrera quelquefois des allusions à la Révolution de France. Nos souvenirs sont tous empreints de ce terrible événement. D'ailleurs, j'ai voulu que cette première partie fût utile à la seconde, que l'examen des hommes un à un pût préparer au calcul des effets de leur réunion en masse. J'ai espéré, je le répète, qu'en travaillant à l'indépendance morale de l'homme, ou rendrait sa liberté politique plus facile, puisque chaque restriction qu'il faut imposer à cette liberté est toujours commandée par l'effervescence de telle ou telle passion. Enfin, de quelque manière que l'on juge mon plan, ce qui est certain, c'est que mon unique but a été de combattre le malheur sous toutes ses formes, d'étudier les pensées, les sentiments, les institutions qui causent de la douleur aux hommes, pour chercher quelle est la réflexion, le mouvement, la combinaison qui pourrait diminuer quelque chose de l'intensité des peines de l'âme. L'image de l'infortune, sous quelque aspect qu'elle se présente, et me poursuit et m'accable. Hélas, j'ai tant éprouvé ce que c'était que souffrir, qu'un attendrissement inexprimable, une inquiétude douloureuse s'empare de moi, à la pensée des malheurs de tous et de chacun. Des chagrins inévitables et des tourments de l'imagination, des revers de l'homme juste, et même aussi des remords du coupable, des blessures du cœur les plus touchantes de toutes, et des regrets dont on rougit sans les éprouver moins. Enfin, de tout ce qui fait verser des larmes, ces larmes que les anciens recueillaient dans une urne consacrée, tant la douleur de l'homme était auguste à leurs yeux. Ah, ce n'était pas assez d'avoir juré que dans les limites de son existence, de quelques injustices, de quelques torts, qu'on fût l'objet, on ne causerait jamais volontairement une peine, on ne renoncerait jamais volontairement à la possibilité d'en soulager une. Il faut essayer encore si quelque ombre de talent, si quelque faculté de méditation ne pourrait pas faire trouver la langue, dont la mélancolie ébranle doucement le cœur, ne pourrait pas aider à découvrir à quelle hauteur philosophique les armes qui blessent n'atteindraient plus. Enfin, si le temps et l'étude apprenaient comment on peut donner aux principes politiques assez d'évidence pour qu'ils ne fussent plus l'objet de deux religions, et par conséquent, des plus sanglantes fureurs. Il semble que l'on aurait du moins offert un examen complet de tout ce qui livre la destinée de l'homme à la puissance du malheur.